Corsica, plastique radiophonique. ¿Cuánto espacio temporal cabe en un poema? Escribe Gabriel Bravo Trujillo. Pienso que la pregunta es como tener barcos en la cabeza en un océano de tranquilidad. O como saltar de piedra en piedra para cruzar la corriente de un río. Poisson banal posé sur la télévision. Mort le poisson banal posé sur. Merlu mort le poisson banal posé. Du merlu mort le poisson banal. Les yeux du merlu mort le poisson. Dans les yeux du merlu mort. se reflète dans les yeux du merlu, qui se reflète dans les yeux du. La ville qui se reflète dans les yeux. Oubliez la ville qui se reflète dans. Essaye d'oublier la ville qui se reflète. On essaye d'oublier la ville qui. De s'extraire, on essaye d'oublier la ville. On essaye de s'extraire, on essaye d'oublier. Recouvre, on essaye de s'extraire, on essaye. Tout recouvre, on essaye de s'extraire, on. Envahisse tout, recouvre, on essaye de s'extraire. Dru, envahisse tout, recouvre, on essaye. Plus dru, envahisse tout, recouvre. Toujours plus dru, envahisse tout. Dru, toujours plus dru, envahisse. Plus dru, toujours plus dru. Inexorablement plus dru, toujours plus. Croisse inexorablement plus dru, toujours. Qui croisse inexorablement plus dru. Sans cesse qui croisse inexorablement plus. Repousser sans cesse qui croisse inexorablement. Peur repoussée sans cesse qui croisse. De nos peurs repoussées sans cesse qui. Le territoire de nos peurs repoussées sans cesse. Dans le territoire de nos peurs repoussées. De l'intime dans le territoire de nos peurs. L'orbe de l'intime dans le territoire de nos. Dans l'orbe de l'intime dans le territoire. Campe dans l'orbe de l'intime dans. Qui campe dans l'orbe de l'intime. Cloison qui campe dans l'orbe. La hâte cloison qui campe dans. À la hâte cloison qui campe. Dressée à la hâte cloison qui. Des plaques dressées à la hâte cloison. Des parois des plaques dressées à la hâte. Des murs des parois des plaques dressées. Entre des murs des parois des plaques dressées. Encerclé entre des murs des parois des plaques. Col encerclé entre des murs des parois. Ou col encerclé entre des murs. Poisse ou col encerclé entre. Qui poisse ou col encerclé. Fraîche qui poisse ou col. De passion fraîche qui poisse ou. Grouillant de passion fraîche qui poisse. De faubourg grouillant de passion fraîche qui. Entouré de faubourg grouillant de passion fraîche. Sans fin entouré de faubourg grouillant de passion. Immeuble sans fin entouré de faubourg grouillant. Grinçant, immeuble sans fin entouré de faubourg. D'ascenseur grinçant, immeuble sans fin entouré. Éclairé d'ascenseur grinçant, immeuble sans fin. Mal éclairé d'ascenseur grinçant, immeuble. D'escalier mal éclairé d'ascenseur grinçant. De rupture d'escalier mal éclairé d'ascenseur. De drame de rupture d'escalier mal éclairé. Peuplé de drames de rupture d'escalier mal. D'immeubles peuplés de drames de rupture d'escalier. Le long d'immeubles peuplés de drames de rupture. Vertigineux, le long d'immeubles peuplés de drames. Caniveau vertigineux, le long d'immeubles peuplés. Au-dessus de caniveau vertigineux, le long d'immeubles. Fil au-dessus de caniveau vertigineux, le long. Un fin fil au-dessus de caniveau vertigineux. Par un fin fil au-dessus du caniveau. Retenu par un fin fil au-dessus de. La nuit retenue par un fin fil. De la nuit retenue par un fin. L'épaule de la nuit retenue par. Par l'épaule de la nuit retenue. Du jour par l'épaule de la nuit. Les aimants du jour par l'épaule de. Par les aimants du jour par l'épaule. Concerné par les aimants du jour par. Si peu concerné par les aimants du jour. Le ciel si peu concerné par les aimants. Dans le ciel si peu concerné par. Fragile dans le ciel si peu concerné. Sur terre fragile dans le ciel si peu. Fragile sur terre fragile dans le ciel. Hay un incremento en la población de mariposas mientras esperamos visitas de otro vecindario cósmico. Quizá pronto tengamos niños de las estrellas jugando en nuestro patio. Thank you.